وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وأهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوالها وأحوال أهلها، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الموحدين والموحدات، إنني أسأل الباري وأسأل العالي وأسأل العلي الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا عنده في أعظم مكان، الفردوس الأعلى، ونسأله كذلك أن يجمعنا على حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء أو الحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أما بعد، فإننا نشكر الأخ المفضال وأخي المكرم سيداتي أبي عبد الرحمن على هذه الكلمة الطيبة المباركة، وهي في حقيقة الأمر تنصب في نفس الموضوع، إنما كلامه كان يدور ويجول ويحول حول الإخلاص، والإخلاص هو موضوعنا كذلك، لأن الموحد أيها الأحباب يعيش بالإخلاص، يتنفس بالإخلاص، يحيا بالإخلاص، ويموت بالإخلاص، ويلقى الله عز وجل بالإخلاص، لأن الموحد يعلم أن الإخلاص هو الذي ينجيه في الدنيا، وكذا في قبره، وكذا يوم يلقى الله عز وجل. ولذلك تراه يحاسب نفسه الموحد يعني، وتراه يجتهد ويشتد على نفسه، بل يشتد على غيره كما كان فعل السلف الصالح، من أجل أن يخلصون لله عز وجل في جميع أعمالهم وعباداتهم، فكانوا يعالجون نياتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تراه يوحد الله عز وجل مع الإخلاص، مع الإخلاص. وإن الإخلاص أيها الناس هو شرط رئيس وأساسي عند قولة لا إله إلا الله، فقائل هذه الكلمة يجب عليه أن يقصد بجميع أعماله وجه الله عز وجل، وهكذا يكون الموحد يعني من أعماق قلبه مخلصا لله عز وجل. هذا هو الشرط الأول لمن ينطق بالشهادة. ثم إن الشرط الأساس كذلك والرئيس والأصل الأصيل في تحقيق هذه الكلمة، ألا وهي لا إله إلا الله، متابعة خير البشر محمد عليه أزكى أفضل الصلاة والسلام. فمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام شرط في تحقيق هذه الكلمة. فهذا هو الإخلاص أيها الناس. المسلم يتوجب عليه أن يكون مخلصا لله عز وجل في جميع أحواله، ولا يحقرن من الأمور شيئا. قد يتصدق بشق تمره وهو مراء يعذب يوم القيامة، قد يفعل فعله كأن يتباكى أمام الناس مثلا في سجوده، ولذلك دخل أحد السلف الصالح المسجد ورأى عبدا من عباد الله عز وجل في سجوده يبكي، فقال له أنت افعل هذا في بيتك، يعني بينك وبين ربك. Remercions notre frère et notre cher frère, notre noble frère Sidati Abi Abd al-Rahman de cette parole qui concerne la sincérité, qui concerne une grande adoration, le fait de sacrifier pour Allah Azza wa Jal. Et si vous voulez, la parole de notre frère Abi Abd al-Rahman, qu'Allah le préserve, c'est la même que la mienne. Elle parle de la sincérité. Elle parle de l'ikhlas. Et bien sûr, on doit se vanter, nous en tant que croyants, quand on parle de l'ikhlas. Parce qu'on respire l'ikhlas, on veut respirer l'ikhlas. On veut vivre avec l'ikhlas. On veut rentrer dans nos tombes avec l'ikhlas. On veut être ressuscité chez Allah Azza wa Jal avec l'ikhlas. On veut être jugé en face d'Allah Azza wa Jal avec l'ikhlas. Parce que les vrais gagnants, c'est qui? C'est les personnes qui sont sincères dans leur adoration. Parce qu'ils ont adoré Allah Azza wa Jal pour Allah Azza wa Jal. Pour le visage d'Allah Azza wa Jal. La sincérité, elle va sauver ton âme. D'ici-bas, ça veut dire que tu ne vas pas te mélanger avec les innovateurs, avec les personnes qui font de l'ostentation et d'autres. Et aussi, Allah Azza wa Jal va sauver ton âme du feu le jour de jugement qu'Allah nous préserve. Et c'est pour ça, le croyant, il doit comprendre le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle a des sens. Elle a une explication. Une personne qui est intelligente, une personne qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il doit connaître le sens des actes qu'il est en train de faire. Des paroles comme la ilaha illallah, des du'as aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qul inna salati wa nusuki. Qu'est-ce que ça veut dire ma prière et mon sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Eh bien, le fait de comprendre la ilaha illallah, sache très bien que tu as sauvé ton âme de toute chose mauvaise. On ne va pas t'accuser d'innovation. On ne va pas t'accuser d'un égaré ou égaré, égareur. On ne va pas t'accuser le jour de jugement, comme c'est le cas de certains croyants, de certains musulmans qui appartiennent à cette communauté. Le jour du jugement, on va les accuser parce qu'ils ont fait des adorations, mais ils ne voulaient pas pour ça le visage d'Allah Azza wa Jal, ils n'étaient pas sincères. La ilaha illallah, ça veut dire la ilaha illallah, elle a une base, elle a des conditions, deux conditions très importantes. La sincérité, c'est la première, c'est la base des bases. Toute action, toute adoration, toute chose, même le geste, quand tu veux faire un geste, fais-le pour Allah Azza wa Jal. Tu veux donner comme aumône la moitié d'une date pour Allah Azza wa Jal. Sinon, cette moitié, elle peut te guider vers l'enfer qu'Allah nous préserve. Si tu as cherché pour ça le visage des gens, si tu as fait l'ostentation, pareil, même les gestes. L'un des salaf as-salih, il rentre dans une mosquée. Il voit une personne, il est en train de se prosterner. Il pleurait dans ce sujoud. Il lui dit, oh toi, fais ça chez toi, entre toi et Allah Azza wa Jal. Fais pas ça devant les gens. Regardez salaf as-salih, comment ils vont éduquer les gens. Ils vont éduquer les gens pour être sincères avec Allah Azza wa Jal. Et la base des bases aussi, qui est la deuxième condition de la ilaha illallah, c'est le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. notre bien-aimé, la meilleure personne qui a adoré Allah Azza wa Jal, la meilleure personne qui a été sincère avec Allah Azza wa Jal, la meilleure personne qui a éduqué sa propre âme, et puis aussi il a éduqué et enseigné les sahaba. Et puis l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam, on est en train de le voir maintenant. Il est béni. Parce qu'il était sincère, le prophète alayhi salatu wa salam. Donc notre exemple dans tout ça, chez les hommes, c'est Mohammed alayhi salatu wa salam. Et puis toute personne qu'on a vu en lui, la sincérité. Et c'est pour ça, des fois, chez les salaf al-salih, chez les savants qui nous ont précédés, ils peuvent faire des erreurs même dans l'aqidah. Ils peuvent faire des erreurs même dans l'aqidah. Parce qu'ils étaient sincères, leur savoir il a été propagé et en masse partout dans le monde jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps. Regardez par exemple Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. L'imam al-Nawawi, rahimahullah. Ils ont fait quelques erreurs. Et les ulama, les savants de l'islam, ils ont montré les erreurs de ces deux grands savants. Mais regardez Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. On le trouve partout. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas le Coran chez eux, mais ils ont Riyad al-Salihin. Ibn Hajar al-Asqalani est pareil. Ibn Hajar al-Asqalani, regardez son savoir. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils étaient sincères avec Allah Azza wa Jal. Des fois, on trouve des savants, ils n'étaient pas connus en tant que vivants. Ils sont morts, Allah Azza wa Jal a propagé leur savoir. A propagé leur savoir parce qu'ils étaient sincères. Ils ne cherchaient pas la célébrité. Ils ne cherchaient pas à se montrer. Ils ne cherchaient pas à faire ça et à faire ça. Regardez l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il n'avait pas de mosquée. Le cheikh al-Albani ne donnait pas des cours dans des mosquées. Rahimahullah ta'ala. Le cheikh al-Albani, généralement, toute sa science, elle était au fond de son foyer. Comment Allah azza wa jalla a fait pour propager la science et le savoir de cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et subhanallah, même les innovateurs, sur le minbar, ils disent hadith authentifié par l'imam al-Albani. Parce qu'il était sincère, rahimahullah ta'ala. وسوف أحدثكم إن شاء الله تعالى بحديث أنقله لكم في حقيقة الأمر حديث عظيم يتحدث عن عباد من هذه الأمة يعني يشهدون بشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون صلاة كصلاتنا ويصومون صوما كصومنا ويخرجون الزكاة كذلك ويحجون البيت العتيق بل يرفعون السيوف ويجاهدون في سبيل الله ومع رسول الله هم في النار عياذا بالله الحديث que vous a rapporté dans cet après-midi. Il va parler des gens ou des serviteurs qui appartiennent à cette communauté. C'est des gens qui disent « La ilaha illallah » comme tout le monde. C'est des gens qui pratiquent la prière comme tout le monde. C'est des gens qui sortent la zakat et l'aumône comme tout le monde. C'est des gens qui font le pèlerinage, le grand pèlerinage comme tout le monde. Et même, ils font le djihad en sentier d'Allah Azza wa Jal et avec le prophète alayhi salatu wa salam. Mais à la fin, ils sont dans l'enfer qu'Allah nous préserve. Oui, ils appartiennent à cette nation. ولذلك روى الترمذي بسنده عن شفي الأصبحي رحمه الله تعالى قال أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس. D'après l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, d'après Shafi'i al-Asbahi, l'un des suiveurs Il a vécu avec les Sahaba. Shafi al-Asbahi, il dit, je suis entré à Médine. Des gens étant réunis autour d'un homme. Faqala man hadha ar-rajul? J'ai dit, qui est-ce cette personne? Faqalu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont dit, ils ont répondu, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. As-sahabi al-ma'ruf, kabir min akabir as-sahaba. L'un des grands Sahaba, compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. L'un des grands savants de l'islam, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont dit, ils ont répondu, c'est Abu Hurayra. À la mosquée, ils étaient en train de raconter des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Qala fadanawtu minhu hatta qa'adtu bayna yadayhi wa huwa yuhadithu an-nas. Je me suis rapproché de lui jusqu'à m'asseoir devant lui. Il racontait aux gens des hadiths. Il enseignait ce qu'il a appris chez le prophète alayhi salatu wassalam. Falamma sakata wa khala qultu lahu unshiduka bihaqqin wa bihaqq lama haddathtani hadithan sami'tahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aqiltahu wa fahimtahu. Lorsqu'il se tut, il fut seul, je lui dis, je te demande, en droit et avec vérité, peux-tu me rapporter un hadith du messager d'Allah azza wa jal, alayhi salatu wa salam, que tu as entendu, compris et appris. Qala, aqiltahu wa fahimtah. Lian hadha huwa al-asl. المسلم يجب عليه أن يتعلم والعلم كيف يكون ليس بفهم ليس بقراءة أو بمطالعة فقط. نعم المطالعة كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى هي ربع العلم, هي ربع العلم. المطالعة مهمة جدا جدا, وليس فقط أنك تعلم الحديث ولكن تفهمه. ومن يفهمك هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يفهمك هذا؟ الصحابة عليهم من الله الرضوان. ومن يفهمك هذا؟ العلماء والمشايخ. فلا يستطيع إنسان أن يأتي هكذا من محض فهمه وعن طريق بعض الرسائل أو الكتيبات أو عن طريق الإنترنت يسمع ويحفظ ثم يأتي ويتصدر. لا, فالذي ينقل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون عنده منهاجية في التعليم. فلا يعقل أن إنسان لم يتعلم ثم يأتي ويعطي منهاجية في التعليم, هذا أبدا يكون. لأنك أنت تنقل عن شيخ وعن عالم, تنقل عنه سمته أخلاقه وتنقل عنه علمه, ثم أنت تأتي وتعلم الناس. ليس هكذا أن تأتي وتتصدر الفتية وتتصدر العلم وتدير المساجد وتدير المراكز وأنت لم تجلس مع أي شيخ ولم يكن عندك منهاجية في التعليم, كيف تتعلم؟ قال عقلته وفهمته. تعقل وتفهم. Il lui a dit que tu as entendu, compris et appris. Compris et appris. Mettez une ligne ici, rouge, appris. Qu'est-ce que ça veut dire appris ici? C'est qui t'apprend? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est qui t'apprend? C'est sahaba. C'est qui va t'enseigner? C'est les suiveurs. C'est qui va t'enseigner? C'est les grands savants et les machaïr. Donc, tu dois apporter ton savoir de chez les ulama, Parce que l'alim, quand tu t'assois avec lui, qu'est-ce que tu vas apprendre de lui? La première des choses, ce n'est pas son savoir. Parce que le savoir des savants, il se trouve sur Internet, dans les livres, dans des audios, même dans des vidéos, n'est-ce pas? Tu vas apprendre chez lui son bon comportement. Et c'est ça ce qu'ils ont dit sur l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. On s'assit avec l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, pendant 10 ans pour apprendre juste son bon comportement. Et sont où ses élèves? Que pour apprendre son bon comportement. Et puis la science, le savoir pour transmettre. Parce qu'une personne, pour qu'il puisse transmettre la religion de l'islam aux musulmans, c'est un acte d'adoration. Et c'est un bienfait, et bien sûr, c'est un acte qui est noble. Mais une personne qui n'a pas appris une pédagogie, comment il peut enseigner aux gens? Il n'a pas appris une pédagogie chez un savant, chez un chir. Donc une personne, il va s'asseoir. Il va commencer à étaler, entre guillemets, sa science et son savoir. Il ne pourra jamais dire que je me suis assis avec un chir. Sauf il a lu, sauf il a appris par les audios ou par les vidéos. Comment vous voulez que cette personne, il va avoir une pédagogie? Il va diriger une mosquée ou des mosquées et peut-être des écoles, comme c'est le cas maintenant en France. Comment vous voulez cette personne qui va avoir une bonne pédagogie, à la fin de l'année, il va voir des élèves qui ont sorti avec un résultat? Non, que tu as appris. Tu dois apprendre la science, barakallahu fik, chez les grands savants. فقال أبو هريرة أفعل مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نهتم بمن يطلب العلم. قال مرحبا سأفعل مباشرة من غير تكبر ولا ترفع، بالعكس بكل تواضع. قال سأفعل. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، تعلمته يعني وفهمته يعني. أبو هريرة أدي oui, je vais te raconter un hadith. Il venait juste de terminer son cours, son assise. Il vient vers lui, lui demande ça. Oui, bienvenue à la recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète, il nous a recommandé d'accueillir qui? Les étudiants qui veulent demander la science en Allah Azza wa Jal. Oui, bienvenue à cette recommandation. Il était humble. Il n'était pas orgueilleux. Oui, je vais t'apprendre. Je vais te raconter un hadith que le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a raconté. Je l'ai compris et appris. Et c'était dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق. يعني أغمي عليه قبل أن يحدث هذا الحديث. أغمي عليه. نشغ نشغة ثم أفاق. أغمي. لعظم وجلل هذا الحديث العظيم الذي سيلقيه على مسامعنا عقله وفهمه، ولذلك أصابته نشغة. أغمي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Ensuite, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه fut pris d'un malaise. Nous restâmes un court instant, puis il reprit ses esprits. Oui, il tombe dans les pommes. Abu Huraira radiallahu ta'ala an, avant de raconter ce hadith, il tombe dans les pommes. Dans un malaise. Après, il s'est réveillé. Faqal, la uhadithannaka hadithan haddathanihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadha al-bayti ma ma'ana ahadun ghayri wa ghayrahu. Il dit, je vais te raconter un hadith que le message d'Allah alayhi salatu wassalam m'a raconté alors que nous étions, moi et lui, dans cette maison. Ça veut dire dans la mosquée, du prophète alayhi salatu wa salam à Médine, sans aucune autre personne à part nous deux. ثم نشر أبو هريرة نشرة شديدة ثم أفاق ومسع وجهه مرة ثانية يحب أن يروي هذا الحديث فيغمى عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Mais il fut pris d'un second malaise qui était plus dur que le premier. Il recouvra ses esprits et puis il va essuyer son visage. C'est le deuxième malaise. Un hadith qui est immense et qui est énorme. Et puis il a dit, وقال, أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد وغيره أحد غيري وغيره. Et puis il dit, oui, je vais, quand il a repris ses esprits, oui, je vais te raconter un hadith que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté alors que nous étions, moi et lui, dans cette maison sans aucune autre personne à part nous deux. Mais, ثم نشر أبو هريرة نشرة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة fut de nouveau pris d'un violent malaise et s'écoulera sur le visage رضي الله تعالى عنه. Je le redressai et le tint lentement. Puis il reprit connaissance. Un malaise qui est plus grave que les deux premiers. Il allait tomber même sur son visage. Heureusement, il a retenu sur son épaule. Shafi' al-Asbahi rahimahullah. Et puis il dit. Alors il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté. Anna Allah tabaraka wa ta'ala. إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية كل أمة على ركبها كل الأمم. قال le jour de la résurrection Allah le Très-Haut descendra vers les serviteurs afin de juger entre eux. Chaque communauté sera agenouillée, tout le monde sans exception. Ils attendent le grand jour, qui est le jour de jugement. Et vous savez, le jour de jugement, il vient après que le prophète, alayhi salatu wassalam, ça veut dire, c'est pas le jour de jugement. Le fait de juger les gens, il vient après que le prophète, alayhi salam, va intercéder. C'est pas le moment où on vient, Allah azza wa jal commence le jugement. L'angoisse qui est en train de régner. Le soleil, il va descendre et les gens, ils vont se noyer dans leur sueur et ainsi de suite, comme vous connaissez le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis le prophète va intercéder et là, Allah azza wa jal va commencer à juger les gens. Et comme vous le savez, le jour du jugement, c'est un jour seulement, mais il est l'équivalent de 50 000 ans. 50 000 ans, un jour seulement, il est l'équivalent de 50 000 ans. « قَالَ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ » انتبهوا رجل جمع القرآن الله المستعان أول إنسان الذي يدعى لن يدعى فرعون ولا هامان ولا جنود فرعون ولا جنود هامان ولا الملك النمرود فرعون ولا فرعون هذه الأمة أبو جهل ولا كبير المنافقين أبي بن سلول أول من يدعى الذي يجمع القرآن. La première personne que l'on appellera sera un homme qui aura appris par cœur le Coran. Allahu Akbar. Allah al-Musta'an. Donc ça veut dire on va appeler une personne de cette communauté sur les 10 milliards et 10 milliards d'hommes. On va appeler une personne qui appartient à cette communauté. C'est la première personne qu'on va l'appeler. Ni Pharaon, ni Haman, ni les soldats de Pharaon, ni les soldats de Haman, ni Numrouz, ni Abu Jahl, ni Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites. Non. On va appeler cette personne qui a appris le Coran al-Karim par cœur. وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et un homme, il a été tué en sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc il était en train de faire le djihad, le vrai djihad qui a été avec le prophète alayhi salatu wa salam. On va vous expliquer, incha'Allah. وَرَجُلٌ كَثِيرَ الْمَالِ يخرج الزكاة ويتصدق ولعل الثلاثة اسمهم عبد الله. Et le troisième, une personne riche qui avait des biens et qui avait de l'argent, il sortait de la zakat. Et peut-être les trois personnes, ils s'appelaient Abdullah. Ça veut dire ils appartiennent à cette communauté. قال فيقول الله للقارئ. Allah le trio dira au lecteur: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي. N'est-ce pas, je t'ai enseigné ce que j'ai fait descendre sur mon messager, qui est la révélation. Qala bala ya Rabb. Il répondra, plutôt oui, ô mon Seigneur. Faqal, famadha amilta fima alimt. Puis Allah Azza wa Jal demandera, qu'as-tu accompli avec ce que tu savais? Tu as appris le Coran par cœur, et après? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a la belle récitation? La belle lecture? La belle voix? Qu'est-ce que tu as fait avec le Coran al-Karim? Lama ta'allamta kitab Allah azza wa jalla Qur'an rabbil alamin wa kalam rabbil alamin وصفة من صفات الله عز وجل ماذا فعلت بهذا القرآن؟ الصحابي يجيبك يقول لك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حفظت سورة البقرة في 10 سنوات. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود يعلمنا 10 آيات من القرآن الكريم. هذه السنة أنك تحفظ هذه الآيات وتعلم تفسيرها ثم تطبقها على نفسك وعلى مجتمعك. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنوات يحفظ سورة البقرة مع تعلمها ومع تعليمها كذلك وكذلك مع التطبيق مع العمل بها. Parce qu'une personne qui apprend le Coran al-Karim, il ne va pas l'apprendre juste pour le réciter. Certes, ça c'est une adoration, le fait de réciter le Coran al-Karim. Embellir aussi nos voix avec une belle récitation, oui, ça c'est une adoration. Mais le plus important, c'est quoi derrière ça? Abdullah ibn Omar, il va nous répondre. Lui, il a appris Surat al-Baqarah en 10 ans. Il va apprendre un verset. Il va l'expliquer, il va le pratiquer sur lui-même et puis il va l'enseigner. Il est resté pendant 10 ans. Et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, d'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète nous enseignait le Coran al-Karim par 10 versets coraniques. Par 10 versets coraniques, apprendre le Coran al-Karim. Qu'est-ce qu'il y a dans les versets coraniques? Qu'est-ce que ça veut dire? Qul huwa Allahu ahad. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin? Qu'est-ce que ça veut dire Illa alladhina amanu wa amilu salihat? Donc tu dois apprendre le Coran al-Karim. Connaître qu'est-ce que ça veut dire, la valeur de ces versets coraniques, l'explication. Comme ça tu es à l'abri de toute ostentation. De toute ostentation. Après, tu peux réciter le Coran al-Karim avec une très belle voix, embellir ta voix avec le Coran al-Karim, avec le cœur et le corps apaisés. Parce que tu sais pourquoi tu récites le Coran al-Karim. Tu sais pourquoi tu es en train de sacrifier ta bête pour l'Aïd et ainsi de suite. Tu sais pourquoi tu es en train de faire telle adoration et telle adoration. Pourquoi ? Parce que tu as appris. Parce que tu as appris. قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت اقوم به انا الليل وانا النهار. طيب qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Il répondra: je le récitais de nuit comme de jour. Donc je faisais avec la prière de la nuit, je dirigeais avec les prières obligées dans les mosquées et j'enseignais aussi et je dirigeais Tarawih aussi. Pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Walakin Rabbul Alamin ya'lamu sirra wa akhfa. Ni Allah Azza wa Jal, on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Qala kadhabt. Tu mens. Wa qalat al mala'ika kadhabt. Et les anges vont dire derrière, tu mens. Li'anna Allah Azza wa Jal ja'ala 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id mala'ika. Yahfazuna 'anna jami' al-umur allati naf'aluha. فهم يعلمون ماذا كنت تفعل بالقرآن الكريم تقول أنك كنت تقوم به بالليل وأنت كنت تنام تقول أنك كنت تفعل كيت وكيت وأنت كنت تقرأ القرآن من أجل جمع المال كنت تأتي إلى المساجد وتفضل هذا على هذا لماذا لأن هذا المسجد يعطونك المال أكثر فأكثر إذن أذهب إلى هناك ثم تأتي وتكذب على الله يوم القيامة الذي يعلم السر وأخفى وتكذب أمام الشهود الملائكة الذين كانوا يكتبون عليك كل شيء ولذلك المجرمين يقولون يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا تمو الله عز وجل دي et les anges aussi sont témoins. Tu ne peux pas cacher sur le Seigneur, notre Seigneur. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Les anges ne savent pas. Est-ce que tu es sincère ou non? Non, ils ne savent pas. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Même le prophète, alayhi salatu wa salam. Même l'ange Jibril. Il y a qu'Allah Azza wa Jal sait. Est-ce que tu étais sincère ou non? Est-ce que tu étais sincère ou non? Il y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait. Et puis, les anges, ils sont là pour témoigner qu'est-ce que tu es en train de faire comme adoration. Tu dis à Allah Azza wa Jal que je faisais la prière de la nuit avec. Alors à côté, tu étais en train de dormir. Les anges, ils ne dorment pas. Ils sont en train de témoigner. Et puis à côté, tu es en train de dire, oui voilà, moi je vais venir à cette mosquée à une condition. Je veux tel son pour diriger la prière de Tarawih. Et après, il a le choix. Telle mosquée, il donne plus ou l'autre. Non, je vais aller dans une mosquée, il donne plus d'argent. Il vient réciter le Coran al-Karim, même s'il fait une innovation. Peu importe, l'essentiel derrière, il va remplir ses poches, il va remplir aussi son ventre. Il vient qu'on appelle nous Zirda, Flebled. Il vient et tout ça pour lire à côté des morts. Le Coran al-Karim. Et attention, tu vas leur mettre n'importe quelle nourriture. Non. Sinon, ils ne viennent pas chez toi. Et après, ils vont te suivre même à la tombe. Ils peuvent faire même shirk, même l'association. Derrière, s'il y a de l'argent, ma'lish, il n'y a pas de problème. Ma'alish, c'est ça les personnes qui vont être questionnées le jour du jugement. Apprenons le Coran al-Karim avec sincérité. Comme ça, Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, il ne va pas te ramener, il ne va pas te juger parmi les premiers. Au contraire, Allah Azza wa Jal va te faire des éloges. Les anges aussi vont te faire des éloges. Et les croyants aussi vont te faire des éloges. Pourquoi ? Parce que tu étais sincère. Parce que tu étais sincère. Et puis, قال كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك. أنت كنت تبحث ماذا يقول الناس عنك. أنت لا يهمك ماذا يقول الله عز وجل فيك. تبحث عن أقوال الناس سوف يقولون عني أن قراءتي جميلة وأني حافظ القرآن وأنا لا أخطئ أنت تبحث عن هذه الأمور في صلاتك فقد قيل يتركك الله عز وجل يوم القيامة لأقوال الناس، فقد قيل فيك مهانة وذلة وذلة، يعني يذلك الله عز وجل يوم القيامة كشرك المشركين، يتركهم وشركهم، اذهبوا إلى الأصنام حتى يشفعوا فيكم يوم القيامة، فلا شفيع للكافرين. دونك الله عز وجل il lui dit tu mens. Et les anges pareil, ils vont lui dire tu mens. Plutôt tu voulais que l'on dise de toi un tel électeur. Et certes on l'a dit. Toi tu cherchais la parole des gens, les éloges des gens, les remerciements des gens, parce qu'il a eu une belle voix, parce que lui il fait pas d'erreur quand il lit le Coran al-Karim. Donc tu cherchais ça. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va t'humilier. Il va dire alors, va chez les gens qui t'ont dit, c'est un bon récitateur. Comme les associateurs. Le jour du jugement, il va les humilier, Allah Azza wa Jalla. Vous voulez quelqu'un, il va intercéder pour vous. Personne ne va intercéder pour vous. Cherchez chez vos divinités et les statues que vous avez adorées. Donc la situation, elle est grave. La situation, elle est grave. ثم يؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك وقد قيل ذلك نعم يؤتى بصاحب المال غني من يرزق الله عز وجل إذا تحب أن تتصدق من أجل من؟ من أجل الله عز وجل هذا هو الشرط عند قولة لا إله إلا الله الإخلاص أن تتصدق من أجل الله عز وجل أن تقرأ القرآن من أجل الله أن تتصدق من أجل الله عز وجل لا حتى يقال عنك جواد أو رجل سخي معطاء يعطي المال وانظر إلى هذا فلان قد فعل وفعل وفعل لا إنما تفعل من أجل الله عز وجل حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه هذا هو المخلص لله عز وجل Et puis le fait d'être sincère, le fait de sortir de l'aumône ou la zakat. Allah Azza wa Jal, c'est qui donne les bienfaits et les biens? C'est Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal, quand il va te donner tel bien ou telle richesse, le jour où tu veux sortir de l'aumône, tu le sors au nom d'Allah Azza wa Jal. Il ne t'appartient pas. Il appartient à Allah Azza wa Jal. Donc sois sincère dans ton action. Adore Allah Azza wa Jal avec sincérité. Donne avec sincérité. Donne avec sincérité. Tu ne donnes pas pourquoi ? Parce que les gens, ils vont dire, regarde, mashallah, telle personne est généreux. Telle personne est généreux. Et des fois, tu trouves des gens, ils aiment bien quand ils vont donner, non seulement ils donnent, mais ils vont écrire derrière leur nom et leur prénom devant tout le monde. Devant tout le monde. On ne cherche pas qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs des gens, mais on craint pour lui l'ostentation de cette personne. Les sahaba, ils avaient peur de ça. Les sahaba, ils étaient durs avec leur propre personne concernant l'ostentation. Et toi, tu veux, barakallahu fik, hein, te mettre à l'abri le jour où tu vas t'afficher devant tout le monde. Et ça, n'est-ce pas la sunnah de donner avec la droite comme ça à la gauche, elle ne sait pas qu'est-ce que tu as sorti comme aumône. C'est pas la sunnah de donner comme le prophète sallam a dit sur l'aumône caché. C'est la chose où Allah Azza wa Jal aime. Sadaqatu sir. Le monde caché. Le monde que tu donnes en secret. Regardez Abu Bakr radiallahu ta'ala. C'était le khalifa du prophète alayhi salatu wa salam. C'était un gouverneur. Un grand gouverneur. Omar ibn Khattab, une fois, il sort et il cherche après lui. Il va où Omar Abu Bakr radiallahu ta'ala. Il va, il rentre, il va y aller dans un village. Où il y a une petite maison, où il y a une vieille élevée à l'intérieur. aveugle. Il vient, il va lui balayer sa maison. Il va la nettoyer. Il lui fait à manger et ça, c'est chaque jour. Jusqu'à il est mort. Cette vieille, elle dit, il loue cette personne. Omar ibn Khattab, il vient vers elle. Lui dit, qu'est-ce qu'il faisait cette personne? Elle lui dit, il vient tous les jours, depuis des années. Il vient pour nettoyer la maison, me faire à manger. Et après, il repart. Et lui dit, tu sais, cette personne, c'est qui? C'est Amir al-Mu'minin. Le prince des croyants, le gouverneur Abu Bakr, radiallahu ta'ala. Même elle ne le savait pas. Même elle ne le savait pas. C'est ça qu'on dit, le fait de faire des aumônes, soit avec des actions, avec de l'argent, ou avec du matériel, ou avec des actions. Ça veut dire que tu peux faire donner de l'aumône comme Abu Bakr il faisait. Yani ça veut dire que tu donnes de ton temps pour les musulmans. Et on a Allah Azza wa Jal. Mais cette personne va venir le jour du jugement. Pareil pour la personne qui a récité le Coran al-Karim. Il veut cacher tout ça sur Allah Azza wa Jal, subhanallah. Il veut cacher sur Allah Azza wa Jal. Il lui dit non, tu mens. Pareil pour les anges, ils vont lui dire tu mens, tu as fait ça pour les gens, vont dire sur toi tu es généreux. Tu cherches les éloges des gens. Tu cherches que les gens ils vont dire te remercier. Et demain si une personne va parler du mal sur toi, tu vas fermer toutes les portes de sadaqa. Tu donnes à telle mosquée, tu donnes à tel foyer. Le jour où ils font une erreur avec toi, et ton mal accueilli par exemple, tu fermes toutes les portes, même la prière, tu ne viens pas la faire dans cette mosquée par exemple. Donc c'est ça une personne qui fait pour le visage des gens. Quand les gens ils vont dire du mal sur lui, ils vont se comporter mal avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer toutes les portes. Alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, c'était le contraire. Les badouins, ils viennent, ils vont tirer le prophète, alayhi salatu wasalam, de ses habits. Donne-nous qu'est-ce qu'Allah azza wa jal t'a donné. Et le prophète, il leur dit, Wallah, je vais vous donner. Et si j'ai des montagnes et des montagnes, Wallah, je vais vous donner. Parce qu'il fait ça pour Allah azza wa jal. Hein? Ils l'ont carrément serré contre un arbre. Et les badouins, ils viennent de partout. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal t'a donné? Donne-nous. Et le prophète, il rigolait, il riait. Il leur a dit, Wallah, je vais vous donner. Et si j'ai telle montagne et telle montagne comme or, Wallah, je vais la partager sur vous. C'est ça ce qu'il fait le généreux. Le généreux, il fait comme ça. Le prophète, alayhi salatu wasalam, une fois. Ou plusieurs fois dans sa vie, on a plusieurs exemples de chez le prophète, alayhi salatu wasalam. Plusieurs exemples de chez le prophète, alayhi salatu wasalam. Une croyante, elle va donner comme cadeau au prophète, alayhi salatu wasalam, un habit. Il l'a aimé, le prophète, alayhi salatu wasalam. Il l'a aimé. Un sahabi, il le voit. Il lui dit, ya Rasulallah, masha'Allah, tu as mis un habit qui est neuf. Donne-le-moi. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il rentre chez lui. Il va se changer, il sort, il lui donne. C'est ça le prophète, alayhi salatu wasalam, avec aucune gêne. Il le fait pour Allah Azza wa Jal parce qu'il aime le sahaba, le prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, mise en garde contre les personnes ou sur les personnes qui donnent de l'aumône, pour les gens, ils vont les louer. Ou pour les gens, ils vont les remercier, tout ça. N'attends pas de résultat chez les gens. Le résultat, tu vas le trouver le jour du jugement chez Allah Azza wa Jal. Des montagnes et des montagnes et des montagnes de hasanat. Et Wallahi alladhi la ilaha illahu. Il n'y a pas une personne qui est sincère qu'une personne qui donne de l'aumône en cachette. Et c'est la meilleure de sadaqa. Sadaqa tu sirr. C'est la meilleure de sadaqa. Où personne ne sait que tu as donné. Ça c'est une sadaqa. Tu ne pourras pas venir le jour du jugement alors que tu l'as fait en ostentation avec rien, non. Avec l'ostentation, non. N'est-ce pas? Personne ne sait que tu as donné ainsi de suite. Et c'est ça ce qu'ils nous ont recommandé à l'époque, nos savants, en disant que voilà, la sadaqa qui est cachée en secret, c'est la meilleure des sadaqas. C'est la meilleure des sadaqas. C'est la meilleure des sadaqas. ثُمَّ يُؤْتَ بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ فِيمَا ذَا قُتِلْتَ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. Une personne, il vient. Il a combattu pour Allah Azza wa Jal. On lui dit pourquoi tu as fait ça. Il dit parce qu'on m'a ordonné, on m'a recommandé de faire quoi? Le djihad, je l'ai fait. Et tu l'as fait pour qui? Pour toi, ya Allah. Kadhab, tu mens. Les anges, pareil, ils vont lui dire tu mens. Tu as fait ça pour les gens, ils vont faire des éloges sur toi. Ils vont faire des éloges sur toi. Yati hadha ar-rajul. ويدعي على أنه يجاهد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله كما لا يخفى عليكم عنده ضوابط يرجع فيها إلى من؟ العلماء، وليس العلماء فقط، العلماء الربانيون الراسخون في العلم. سوف أحدثكم بحديث، وهذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. رجل من الرجالات شجاع وجريء، شجاع وجريء، يقاتل في صف من؟ في صف الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل أن معي، تخيل معي صاحب الوحي معك، الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت مع الصحابة، وتصطف مع الصحابة، وتقاتل وتجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتجاهد كذلك بكل شجاعة وجرأة حتى يشهد عليك الصحابة فلان جريء فعل ما فعل بالمشركين، فأصبح الصحابة يثنون على قزمان، هذا الرجل يثنون عليه، النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق بالهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر وأعلم. قال قزمان في النار. الله أكبر، رجل يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في النار، أفهم أنت هذا الأمر؟ هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام في النار. فأحد الصحابة قال والله سأتحسس خبر هذا الرجل، يعني في النار، ذهب إليه وبحث عنه، وكان بين الجرحى، وكان بين الجرحى، وكان متأثرا بجراحاته، فأخذ رمحا فقتل نفسه. قال والذي بعثك بالحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هذا الصحابي قال في النار. أرأيتم؟ هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالكم الذين يدعون الآن الجهاد في هذا الزمن، مثل الخوارج والدواعش، يقتلون المسلمين باسم الإسلام، ويسفكون دماءهم، ويفجرون دولهم وديارهم، وكذلك يسبون نساءهم، ويقتلون الكبير والصغير ولا رحمة ولا شفقة. ثم عندك دعاة على أبواب جهنم يدعون لهذا الصنيع الربيع العربي، دمروا العالم، العالم دمروه. إليكم ليبيا الآن، إليكم الآن سوريا كيف كانت في السابق وكيف هي الآن، إليكم بلدان المسلمين كيف هم الآن. يا ويلهم من الله، أين يذهبون؟ أين يذهبون من الله عز وجل يوم القيامة؟ هذا قاتل في صف النبي عليه الصلاة والسلام، هو في النار، فما بالك بهؤلاء؟ هذا من كان يقاتل؟ كان يقاتل المشركين، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فتنة بين المسلمين، كان القتال مع المسلمين وضد المشركين، ولم يكن هناك فريق ثالث، لا فيه شبهة أو لا، مشرك بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل، وكان في النار. فما بالك بهؤلاء الناس، سفهاء الأحلام، ذو العقول الصغيرة، ويأتون هؤلاء الدعاة عن طريق الوسائل، واذهبوا، هذا يقول دمك فلان على رقبتي. الله أكبر، من قال هذا من السلف الصالح؟ من سبقك بهذا في السابق؟ بلداننا انظر فتن على فتن، لأنهم يروجون ماذا؟ الذي يسمونه هم بالجهاد، وإنما هذا جهاد في سبيل الشيطان وليس جهاد في سبيل الله، عياذا بالله. une histoire à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, écoutez-moi attentivement, inshallah. Une personne, il est sorti pour combattre et pour faire le djihad, le vrai djihad avec le prophète alayhi salatu wassalam. Avec les sahab, avec les compagnons. Donc il s'est aligné avec qui? Avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Quel honneur! Il s'est aligné avec qui? Avec les sahaba, les grands sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Zubair, Ibn al-Awwam et d'autres. Pour faire le djihad en santé d'Allah Azza wa Jal. Et il a combattu. Et par Allah Azza wa Jal, il a combattu avec courage. Avec courage. Tellement il a combattu avec courage, les sahaba, ils étaient étonnés. Ils ont commencé à lui faire des éloges. Vous avez vu comment il a combattu telle personne? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? Et ainsi de suite, le prophète derrière, qui parle au nom de la révélation, il dit, il est dans l'enfer. As-sahaba, le silence total. Même un sahabi, il a eu une ambiguïté. Il a raison. Il a raison. On voit une personne qui combat avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a pas douté de la parole du prophète. Mais il a été pour chercher cette personne qui a combattu. Il le trouve avec des blessés, gravement blessés. Il prend sa lance et se donne la mort. Et s'est suicidé. Le prophète, il parle au nom de la révélation. Donc cette personne, ça s'est avéré, il est sorti pas pour combattre pour la ilaha illallah. Il est sorti pour combattre au nom de sa tribu. Au nom de sa tribu. Alors qu'il combattait avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on dirait nous maintenant? Qu'est-ce qu'on dirait nous maintenant avec ces personnes qui combattent? Ils disent on est en train de faire le djihad. En réalité, ce djihad, ce n'est pas un djihad en santé d'Allah Azza wa Jal ou fi sabilillah en Allah Azza wa Jal. C'est un djihad au nom de shaytan. Au nom de shaytan. Ils sont en train de suivre shaytan. Où vous allez trouver chez les hommes, même si on a une petite intelligence seulement, une minime seulement, comment on peut tuer des innocents? Comment on peut faire disparaître? C'est pas un village, des villes en entier. Au nom de la ilaha illallah. C'est des menteurs. C'est des imposteurs, ces personnes. Al-Khawarij, les Daïchiens de cette époque. Ou les personnes qui sont en train de les motiver derrière. Des prédicateurs sur la porte de l'enfer, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Eux, derrière, ils sont en train de s'enrichir. Et leurs enfants, ils sont dans les grandes universités du monde entier. Ils envoient nos enfants, allez-y, faisez le djihad. Ça, c'est le djihad en santé d'Allah Azza wa Jal. Ils ont déstabilisé le monde entier. Déstabilisé le monde entier par rapport à leur fatwa. Et subhanallah. C'est des menteurs. Il y a des vidéos. Il y a des audios, tout ce que vous voulez. Et derrière, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. L'autre, il dit, ouais, quelques musulmans, une dizaine, 6 personnes, 7 personnes. Et après, ce n'est pas grave. On a un but qui est noble, plus grand que ça. Sortez, faisez, ainsi de suite. Regardez l'Égypte maintenant. Regardez la Libye. Pire que ça, la Syrie. Avant et maintenant. Regardez nos pays, comment ils sont. Et ce n'est pas que nos pays seulement. Ça s'est propagé dans le monde entier, en Europe, partout. Cette idéologie. Pour revenir à la science et le savoir. Parce que généralement, ces personnes, quand tu vas leur dire, c'est qui votre savant? Le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre eux, il va dire, mon savant, c'est Ben Laden. C'est ça, c'est le meilleur qui peut dire ça. Mais pour certains, Ben Laden, c'est un kafir, c'est un mécréant, parce qu'ils l'ont sorti de l'islam. D'accord? Ils sont où leurs savants? Il n'y a pas. Ils n'ont pas de savants. Regardez la personne qui a combattu avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et en face de lui, avec qui? Les associateurs, attention. Les associateurs, il a été en enfer. Alors ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah, azza wa jalla, le jour du jugement? Ils ont coulé le sang. Pas d'un musulman, des musulmans, les vieilles, les vieux, les femmes, les enfants. Même, subhanallah, tout à l'heure, Sidati, il parle des moutons et tout ça, ils ont tué les moutons aussi. Assoiffés de sang. Par Allah Azza wa Jalla, en Algérie à l'époque, ils tuaient non seulement le berger, avec le mouton aussi. Ils disent ce sang pour se rapprocher à Allah Azza wa Jalla. Pour vous dire que ces personnes, ils n'ont pas de raison. Ils n'ont pas un but. Ils n'ont pas une idéologie. Ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas la science. Comment ils vont rencontrer Allah Azza wa Jalla au jour du jugement? Malheur à ces personnes. Le jour du jugement, ils vont rendre des comptes. Et pas que les personnes qui ont fait les attentats seulement ou tué seulement. Les personnes ou les gens, au nom de l'islam et au nom de leur savoir et de la science, ils étaient en train de les motiver derrière et de les pousser derrière. Alhamdoulilah, nous savons, connu, que vous connaissez, le jour du jugement, leurs mains, ils vont venir avec des mains blanches. Ils ne sont pas salis pas. Ils disent, mais regardez, pourquoi vous êtes en train de se taire? Pourquoi ce silence? Oui, le silence de nos savants, c'est une sagesse. Une grande sagesse. Une grande sagesse. Regardez les gens qui ont parlé derrière. Est-ce qu'on est en train de les entendre maintenant? Ils se sont désavoués des frères musulmans. Personne ne peut s'afficher maintenant en tant que frère musulman. Même maintenant, ils ont commencé à mettre de la cravate. Alors c'est interdit chez eux. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une croix. Non, maintenant, je ne suis pas un frère musulman. On est en train de parler sur trois personnes qui appartiennent à cette communauté. Barakallahu fikum. Le prophète, il dit, « Thumma daraba Rasulullah alayhi salatu wa salam ala rukbati faqala ya Aba Hurayra. Ulaika thalatha awwalu khalqin tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah. » Ensuite, le messager d'Allah tapota son genou en disant, « Oh Abu Huraira, ces trois-là sont les premières créatures d'Allah qui seront cernées par le feu le jour de la résurrection. » C'est les premières personnes qu'on va les jeter dans l'enfer, qu'Allah nous préserve. Ils appartiennent à qui? À cette nation. Avant de terminer, inshallah ta'ala, une question. Est-ce qu'ils vont périr éternellement dans l'enfer? Non. Regarde. La différence entre Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij et nous. Même s'ils ont commis un grand péché, qui est l'ostentation, Al-Shirk Al-Khafi, l'association cachée, ou la petite association, c'est un grand péché. Et ils ne vont pas périr éternellement dans l'enfer. Allah Azza wa Jal va les purifier. Il viendra un jour. Ils vont sortir de l'enfer. Même le Khawarij. Si on suit la vie le plus fort. Eux, ils croient que nous, on est des mécréants. Nous, on ne croit pas que eux, c'est des mécréants. C'est ça, le jugement de ces personnes. Nous, on ne sort pas les gens de l'islam parce qu'ils ont commis un grand péché. Ce n'est pas comme le Mu'tazila. Le Mu'tazila, une personne qui commet un grand péché, il est sorti de l'islam. Il doit faire la shahada, refaire la shahada. N'est-ce pas? Alors que nous, non. Al-Ulama, ils ont répondu. Ces personnes, ils ont fait un acte d'association qui s'appelle la petite association. L'ostentation, elle ne fait pas rentrer. Elle fait rentrer dans l'enfer pour se purifier, mais ils ne vont pas rester éternellement. C'est ça, la vie des savants de la sunnah. Wa kadhalika ishtadda tahdhiru as-salaf min ar-riya' wa dhammuhu dhamman baligan. Fahadha Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yanzur ila rajul. يطأطئ رقبته فيقول له يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. عمر بن الخطاب une fois, il rentre, il voit une personne, il fait la prière, il fait comme des fois des gens, tu le trouves ici, hein? Son cou, il est bien rentré comme ça et tout ça. Omar bin Khattab, il le voit, il lui dit, le khushu' c'est pas dans ton cou, le khushu' il est dans le cœur. Donc il faut se redresser. وقال علي رضي الله تعالى عنه للمراء ثلاث علامات يكسل اذا كان وحده. علي رضي الله تعالى عنه, il a dit, la personne qui commet l'ostentation, il a trois caractères. يكسل اذا كان وحده, quand il est tout seul, il est fainéant, il fait rien. وينشط في الناس, il est motivé quand il y a les gens. Quand il est tout seul, il fait rien, ça veut dire chez lui, dans la nuit ou dans la journée. Dès qu'il voit les gens, il est motivé, mashallah. Wa yazidu fil amali idha athni alayh. Dès qu'on va lui faire des éloges, il commence à multiplier les actions. Wa yunqasu idha dhumma bih. Dès qu'on va lui dire arrête de faire n'importe quoi, par exemple, tout de suite il va faire quoi? Il va diminuer de ses adorations et de ses actions, et ainsi de suite. وهذا أبو أمامة الباهلي يأتي على رجل وهو ساجد يبكي في سجوده يدعو فيقول له أنت لو كان هذا في بيتك أحسن. أبي همام الباهلي, une fois il rentre dans une mosquée, il voit une personne, il est en train de se prosterner, il pleure. Il lui dit, oh toi, fais ça chez toi, c'est mieux. Si tu veux pleurer, cache tout ça et va chez toi. وقال الحسن البصري المرائي يريد أن يغلب قدر الله فيه. هو رجل سوء يريد أن يقول للناس هو صالح. فيكيف يقولون وقد خلى من ربه وقد حل من ربه محل الإرداء أي نعم الأرديا أي نعم الأرديا يعني من الرداءة. الحسن البصري aussi, il dit une personne qui fait l'ostentation c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne parce que lui il cherche les éloges des gens. Alors il cherche pas qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal pense de lui. Donc c'est une personne qui est soumise à la aux avis des personnes. Donc ça c'est un petit rappel barakallahu fikum concernant l'ostentation et ce hadith qui est immense. Je vous recommande barakallahu fikum à apprendre ce hadith et à l'enseigner et commencer par quoi? Par nous-mêmes, nos épouses et aussi nos enfants. Nos enfants ils doivent apprendre ça. Ils doivent apprendre ce hadith hein, pour les mettre en garde contre toute ostentation. Et quand ils sont en train d'apprendre le Coran al-Karim, on leur dit c'est pour Allah Azza wa Jal. On va les habituer, on va les éduquer pour donner de l'aumône. Va donner à tel pauvre, mais attention, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu li wa lakum fil Coran al-Karim.